Avis à la population. Le chant paillard qui va suivre est de nature à pervertir les âmes les plus prudes. La salacité de ses propos est poussée à un point tel que je me vois dans l'obligation de vous exhorter à annuler son audition pour passer directement au chant suivant, intitulé « La galette des rois », situé sur la plage numéro 7 de votre compact disque. Ce sera la condition primordiale pour garantir le salut de votre âme et vous assurer une vie dénuée de toute tentation de plonger dans le stupre. Avec délicatesse, lui mettre la main au des plaisirs comme ça ne se refuse pas, mais se taire, alors ça non jamais, mais se taire, alors ça non jamais, prétextant l'invité pour lui offrir un verre toute la nuit, par devant, par derrière. Pas faire de mal, c'est même un vrai régal, mais se faire, alors ça non jamais, mais se faire, alors ça non jamais, se retrouver tête bêche, elle me gela, bouffée de là, c'est un festin royal, une délectation, à en perdre la raison. Il n'y a rien de plus chouette. Et par en dessous, c'est saisir à pleine main un moment délicieux pour rendre un homme heureux. Mais se faire, alors ça non jamais. Mais se faire, alors ça non jamais. Pour finir en beauté, faites-la se retourner pour enfin pouvoir faire le paradis sur terre s'obtient de cette manière. Mais se taire, alors ça non jamais. Mais se taire, alors ça non jamais. Sentir la sauce monter pour s'extraire du envoyer-la sur son visage ravi, un savoureux régal pour une fille. Mais se faire, alors ça non jamais. Mais se faire, alors ça non jamais. Se faire le matin au réveil et recommencer tout à nouveau comme la veille. Ça met de bonne humeur au moins pour quelques heures. Mais se faire, alors ça non jamais. Mais se faire, alors ça non jamais. Une fois soulagé, lui faire prendre la porte, même si elle veut rester, que le diable l'emporte. Le repos est si doux jusqu'au prochain coup. Mais se faire, alors ça non jamais. Mais se faire, alors ça non jamais. Mais se faire, alors ça non jamais.